إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، nous sommes au cours numéro 10 dans le cours du Tawahid, d'un livre qui est un recueil de petites épîtres du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, qui porte le titre Al-Wajibat al-Mutahattimat al-Ma'rifata ala kulli muslimin wa muslima. Les obligations qui incombent à chaque musulman et musulmane de connaître. Et nous sommes dans l'épître où sont citées les preuves des sept conditions de la validité de la parole La ilaha illallah. Il n'y a pas de divinité par droit sauf Allah. Et nous commençons par, dans ce cours, nous commençons par Dalil al-Mahabba, la preuve de l'amour, l'amour de cette parole, l'amour de La ilaha illallah. Donc le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a dit Wa Dalil al-Mahabba, et la preuve de l'amour, l'amour pour cette parole. Qaluhu ta'ala, sa parole, ta'ala, donc la parole d'Allah azzawajal, dans le Coran, dans son livre, Kitabullah, le livre d'Allah, le dernier livre qu'il a révélé à l'humanité et aux djinns. Avant il y a eu l'Injil, l'Évangile, et avant il y a eu d'autres livres comme At-Tawra, la Torah. Donc Allah azzawajal a dit dans son dernier livre qu'il a révélé aux êtres humains, Al-Qur'an, qu'on traduit en français par le Coran. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et parmi les gens, il y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux, et ils les aiment comme l'amour d'Allah. Alors que ceux qui ont cru, ils sont plus forts en amour pour Allah. Donc là, on voit que ceux qui font du shirk, ils aiment ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah, comme on aime Allah Azzawajal. Et parfois, ils aiment encore plus qu'Allah Azzawajal. Subhanallah. Pureté à lui. Alors que ceux qui ont cru, ils aiment Allah plus que toute autre chose. L'amour pour Allah Azzawajal, pour celui qui nous a créés, qui nous a donné la vie, qui nous fera mourir et qui nous fera rentrer au paradis ou en enfer pour l'éternité. C'est lui, c'est à lui que revient l'amour, le puissant amour, l'amour le plus fort, celui qui a pouvoir sur toute chose. Allah a pouvoir sur toute chose, c'est à lui que revient l'amour sincère, véridique et sans faille. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'amour. Abdullah ibn Mubarak, Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah, il fait partie de ce qu'on appelle les salafs, qui est décédé en l'an 181 de l'Hégire, qui était un contemporain de l'imam Abu Hanifa, a dit ceci concernant l'amour. تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لا عمري في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لطعته إن المحب لمن يحب مطيع. Je vous traduis, c'est un poème qu'il a écrit sur l'amour envers Allah Azza wa Jal. Voilà ce qu'il a dit. تعصي الإله وأنت تظهر حبه. Tu désobéis à la divinité alors que tu es en train de faire apparaître son amour. Ça, je le jure, parmi les actes sans précédent. Ceci, parmi les actes, est une chose sans précédent. Si c'est ton amour pour lui était véridique, tu lui aurais obéi. Inna la muhibba l'iman yuhibbu muti'u. Certes, celui qui aime est pour l'aimer obéissant. Voilà. Donc quand on aime Allah Azza wa Jal, on doit lui obéir. Comment prétendre obéir ? Oh, excusez-moi, comment prétendre aimer quelqu'un alors qu'on lui désobéit ? Et que dire quand ceci est pour Allah Azza wa Jal ? Ceci est une grande réponse à tout ce qui se prétend soufi. Surtout que les soufis aiment bien citer les poèmes et autres de Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah. Maintenant, je vais vous citer un autre poème, mais maintenant de Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui lui est décédé en 751 de l'Hégire. Et il a dit, un recueil de poèmes qui s'appelle An-Nuniyya, parce que la fin du poème se finit par le Nun. Et c'est le chapitre de Al-Ittiba ou Shartul Mahabba, la suivir, donc suivre. Notamment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, suivre aussi les ordres d'Allah azza wa jal, shartul mahabba, c'est une condition de l'amour envers Allah azza wa jal. Donc il a dit ceci. Shartul mahabbati an tuwafika man tuhibbu ala mahabbatihi bila isyani. فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. Voilà. Il a dit, la condition de l'amour est que tu sois en accord avec qui tu aimes sur son amour à lui. Bilarissienne, sans désobéissance. فإذا ادعيت له المحبة. Et si tu prétends pour lui l'amour, avec la divergence, de ce que lui il aime, alors toi, tu es celui qui possède un mensonge. Un mensonge, mais énorme. Buhatan, c'est plus grand que Kavib. Ça englobe le fait que ce soit une calamité. Nous revenons maintenant ce qu'a dit le cheikh Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah dans le dalil, dans la preuve de la mahab de l'amour, il a cité un deuxième verset qui est celui-ci. Wa qawluhu, et sa parole, donc la parole d'Allah azza wa jal. Ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Allah Azza wa Jal, ce qu'il nous dit. Ya ayyuhallazina amanu, ô vous qui avez cru. Man yartadda minkum an dinihi, celui qui se retourne de sa religion, donc celui qui apostasie de sa religion, qui le sache ou qui ne le sache pas qu'il est devenu apostat. Qu'est-ce qui se passera ? Enfin, alors, sawfa yatillahu biqawmin yuhibbuhum yuhibbuna. Il viendra. Alors, Allah viendra avec un peuple, et ce peuple, et que lui, Allah aimera ce peuple, yuhibbuhum, il les aimera, wa yuhibbuna, et eux l'aimeront. On a déjà parlé, j'ai parlé déjà de ce verset dans un cours précédent. Et Allah Azza wa Jal, après, nous donne quatre caractéristiques de ce peuple que Allah aime et que ce peuple aime Allah. Donc si vraiment on aime Allah Azza wa Jal, et si on veut vraiment que Allah Azza wa Jal nous aime, il faut venir avec ces quatre caractéristiques qui sont dans le Coran. Celui qui va être en désaccord, ne serait-ce en plus grave que de ne pas le venir avec l'action, mais qui va diverger, il va dire non, c'est pas, il ne faut pas venir avec ça, il est en désaccord avec Allah Azza wa Jal, ceci est très grave. Donc voici ces quatre caractéristiques. La première, avillatin ala mu'minin, humble avec les croyants. A'izzatin ala al-kafirin, puissant envers les mécréants. Et voilà, la première chose c'est al-wala wal-bara, al-wala wal-bara. L'alliance, le désaveu, l'alliance avec les croyants, le désaveu des mécréants. Nous avons déjà parlé de ceci. Et dans un autre verset, Allah Azzawajal dit Muhammadun Rasulullah. Muhammad, c'est le messager d'Allah. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Et ceux qui sont avec lui sont durs. أَشِدَّ. Donc ça c'est comme un Isa. أَشِدَّ, dur sur les mécréants. رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Et miséricordieux entre eux. Troisième caractéristique pour faire partir de ceux qui aiment véritablement Allah et que Allah les aime. يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Et ils font le djihad dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Et quand Allah Azza wa Jal dans le Coran parle du djihad, c'est avant tout le djihad armé. Sauf s'il y a une preuve dans le Coran, quelque chose qui va dire que enfin, quand on lance le djihad voulu, ce n'est pas le djihad armé. Quatrième caractéristique. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. Et ils n'ont pas peur du blâme du blâmeur. Ça veut dire qu'ils restent véridiques sur leur position, même devant l'ennemi, même devant le Tarout ou devant les juges ou autres du Tarout, celui qui arrive, et qu'Allah nous mette parmi ceux-là à être ferme et à rester toujours droit. Et je vous invite fortement à lire la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il se comportait, comment se comportaient ses sahabas, les meilleurs de ses sahabas. Il y a aussi le hadith qui est vraiment formidable, qui se trouve notamment, vous le trouvez dans le livre Riyad al-Salihin, les jardins des saints de l'imam al-Nawawi, rahimahullah. On le trouve, ce hadith, et dans le Sahih, le célèbre hadith qu'on appelle en arabe hadith al-Ghulam, l'hadith du jeune, la jeune personne. Ce jeune qui allait le matin apprendre la magie chez le magicien du roi, et le soir en revenant sur sa route, il trouvait un moine et il allait apprendre chez le moine, etc. Jusqu'à ce que Allah lui ouvre son cœur pour la foi véridique, et il resta ferme, ferme, juste, même quand le roi le menaçait de mort et a essayé de le tuer, etc. Je pense que vous connaissez ce hadith, c'est un hadith qui est assez long mais qui est vraiment très important et qui touche vraiment le cœur. Vraiment. Ce roulable, c'était un exemple dans ceci. Ne pas avoir le peur du blâme, du blâmeur, de rester toujours ferme sur la voie où on est, sur ses convictions, sur sa croyance, sur sa aqida. Ensuite, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimallah, a dit « Wa min as-sunnah » et parmi la sunnah, donc là c'est parmi les hadiths, comme quoi il y a des preuves, comme quoi l'amour de cette parole était une condition pour que « La ilaha illallah » soit valide. ما ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه. Ce qui est sûr, donc ce qui a été vraiment établi dans le Sahih. Donc il revient, le cheikh Mohammed Rahman revient avec le mot Sahih, comme je l'avais dit. Et ici, le hadith est dans le Sahih de Bukhari et Muslim, c'est un hadith qui est Mutafakun alayhi, où Anas, ce sahabi qui s'appelle Anas رضي الله عنه, dit. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دونك المساجد الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. Trois choses. Qui les possède en lui, ces trois choses, وجد حلاوة الإيمان. Alors il trouve la saveur de la foi. Et ensuite il donne ces trois choses. أن يكون الله ورسوله أحب إلي مما سواهما. À ce que Allah et son messager soient plus aimés auprès de lui que tout ce qu'il y a en dehors de ces deux. Donc il faut aimer Allah Azza wa Jalla, ensuite son prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus que toute autre chose. Deuxième chose. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. Et qu'il aime l'homme, l'individu, l'aime un être humain, la yuhibbuhu illa lillah. Et il ne l'aime pas sauf pour Allah. Et ça, c'est aussi al-wala wal-bara. Donc, avant tout, qui c'est qu'on doit aimer pour Allah? Ce sont les croyants. Et plus la personne est croyante, dans le sens, plus ses actions sont fortes, plus ses convictions sont fortes, plus il dit haut et fort ses convictions, alors plus il va l'aimer. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله. منه كما يكره أن يقذف في النار. Troisième chose, et qu'il déteste à retourner dans la mécréance. Il doit détester de retourner dans la mécréance après que Allah l'ait sauvé de lui, sauvé de cette mécréance, donc après que Allah l'ait mis dans l'islam, comme il déteste à ce qu'on le jette dans le feu. Et oui. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé comme parabole le feu ici? Parce que celui-là qui meurt avec la mécréance finira dans le feu de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Ensuite, je vais vous citer un autre hadith où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ceci. Awthaqul ula l'iman al-mualatu fillah wal-mu'adatu fillah wal-hubbu fillah wal-burdu fillah. Rawahu at-Tabarani wa hassanahu al-Albani. Donc je vous traduis, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'anse la plus sûre de la foi, donc ce qu'on a, ce sur quoi on accroche, et c'est le plus sûr pour que la foi reste et qu'elle demeure bien, c'est quoi? Al-mu'alatu fillah. C'est l'alliance en Allah. Wal-mu'adatu fillah. Et l'animosité pour Allah. وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ et aimer en Allah. وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ et détester en Allah. Ce hadith est rapporté par At-Tabarani et Al-Albani a dit qu'il était bon. Et là, certains pourront dire Al-Mu'alatu fi Allah ou Al-Mu'adatu fi Allah, ce sont deux choses qui sont identiques. D'accord? L'alliance en Allah et l'animosité en Allah. Mais comme je vous l'avais déjà dit, notamment dans le verset de la sourate Al-Mumtahina, Nam, quand Bada Bayna Benakum Al-Radawatu Al-Barda, il y a deux choses, c'est deux choses différentes. Al-Mu'ala, c'est Fillah, donc s'allier en Allah, c'est avant tout, c'est quoi? C'est s'allier par le corps, c'est-à-dire que être par le corps et la parole avec ceux qui croient en Allah Azza wa Jal. Et Al-Mu'adatu, je me suis trompé quand je disais que Mu'alatu et Mu'adatu sont des choses différentes, c'est Al-Mu'alatu, c'est l'autre mot qui vient après, excusez-moi, c'est Al-Hubbu Fillah, l'alliance en Allah et l'amour en Allah. D'accord? Donc Al-Mu'alatu Fillah, l'alliance en Allah, c'est le fait de secourir, le fait d'être avec les personnes à qui on s'allie, notamment là c'est les croyants. Et le Hubbu Fillah, l'amour, c'est le cœur, il faut aussi que le cœur, il ne faut pas seulement secourir les croyants et être avec eux physiquement et autres, mais il faut aussi avant tout que le cœur soit avec eux pour Allah. Et après, quand le prophète dit wal mu'alatu fillah wal burdu fillah, là c'est exactement pareil, il y a le corps et le cœur. Al mu'ada, c'est l'animosité qu'on va concrétiser par l'acte, par le corps, d'accord. Al mu'ada qui vient du mot al-adawa, al-adu c'est de l'ennemi. Par le corps, on va être ennemi envers les mécréants. Ou al bourdou fillah, et ça c'est la haine, et ça c'est ce qui est dans le cœur. Il faut détester en Allah, Azza wa Jal. Voilà. Donc, nous avons fini ce que a cité le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, dans la condition de Al-Mahabba. Maintenant, nous allons dans la sourate Al-Imran, la famille de Imran, au verset 31 et 32. Allah Azza wa Jal dit: قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Donc Allah Azza wa Jal nous dit: قل, donc là l'interpelle son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, قل, dit: إن كنتم تحبون الله, si vous êtes à aimer Allah, donc si vous prétendez aimer Allah, alors quoi? Fa-tabi'ouni, alors suivez-moi. Donc, comme je l'ai dit, Allah Azza wa Jal interpelle son prophète. Donc, c'est le prophète qui doit dire ça. Qul, dit: In kuntum tuhibun Allah, fattabi'uni. Si vous prétendez aimer Allah, azawajal, si vous êtes vraiment aimé Allah, alors suivez-moi. Donc là, on voit bien que suivre le prophète, et donc c'est suivre sa sunna, est une preuve d'amour pour Allah, azawajal. Et ensuite, qu'est-ce qui se passera en plus ? Yuhibbukumullah, et Allah vous aimera. Ça veut dire que si on suit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cela sera une preuve de notre amour pour de nous, pour Allah Azzawajal, mais en plus, il y aura comme conséquence que Allah Azzawajal nous aimera. Tout le bienfait dans l'amour, dans Allah Azzawajal et dans l'amour, ensuite dans l'amour en son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci se fait en obéissant, comme on a vu notamment dans ce qu'a dit Abdullah ibn Mubarak wa ibn al-Qayyim rahimahumallah dans l'amour et la condition de l'amour, l'obéissance. Car suivre la sunna, c'est obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite Allah azawajal dit wa yaghfir lakum dhunubakum. Et en plus de ça, en plus de l'amour d'Allah azawajal, qu'est-ce qu'il y a ? Yaghfir lakum dhunubakum, et il vous pardonnera vos péchés. Voilà. Si vraiment on suit la sunna du prophète, c'est une preuve comme quoi on aime Allah azawajal, et en plus, la conséquence de ceci sera que Allah nous aimera et il pardonnera nos péchés. On le sait parce que yuhibbukum Allah, yuhibbim, c'est un fi'l mudari' majzoum, qui est majzoum. Mais pourquoi ? Pourquoi il est majzoum ce verbe ? Parce qu'il vient après un verbe impératif qui est ittabi'uni. Et ittabi'uni yurbikumullah. Donc cela veut dire si vous me suivez, alors suivez-moi, il vous aimera. Donc la conséquence de suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est que l'amour d'Allah vient. Yarfir lakum, dhulmakum, le verbe yarfir est aussi majzoum parce qu'il est ma'touf à la yurbib. Et donc aussi la conséquence de suivre la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'obéir au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et là, il y aura comme conséquence comme quoi Allah azawajal nous pardonnera nos péchés. Pour ceux qui font un peu de nahou, voilà pourquoi yuhbib est majzoum. Voilà. Ensuite Allah azawajal dit, Wallahu ghafur rahim, et Allah est un grand pardonneur et aussi un grand miséricordieux. Qul dit, donc Allah Azzawajal, une deuxième fois, interpelle son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit, Qul dit, donc c'est un impératif, dit aux gens, Ati'u Allah wa Rasul, obéissez à Allah et à son messager. Ensuite, Allah Azzawajal nous dit une chose très importante, Fa'in tawallaw, et s'il se détourne de cet appel, comme quoi il faut obéir à Allah Azzawajal et son messager, Fa'in Allah la yuhibbu al-kafirin, alors certes Allah n'aime pas les mécréants. La yuhibbul kafir. Celui qui a appris un petit peu l'arabe, il peut très bien comprendre ça. Fa inna Allah la yuhib al kafirin. Alors certes, Allah n'aime pas les mécréants. Donc on voit ici deux choses. Que celui qui ne veut pas obéir à Allah azawajal et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens qu'il refuse d'être musulman avant tout. Parce que comme on a déjà vu avant, soit qui fait un péché parmi les péchés, parmi ce qu'on appelle Al-Kaba'i, le grand péché, comme le fait de boire de l'alcool, etc., de faire zina, de mentir ou autre, il est toujours musulman. Mais il a fait un grand péché, il peut aller en enfer, mais ça ne va pas éternellement. D'accord ? Tant qu'il meurt musulman. Sauf celui qui renie l'interdiction de l'alcool ou qui renie l'obligation de jeûner le mois du Ramadan, etc. Donc celui qui renie ceci, en fait, quand il a renié le Coran, donc il est devenu mécréant. Mais ici, quand on parle de la mécréance majeure ici, notamment il y a Alif wa Lam dans Al-Kafirin, c'est qu'il refuse d'emblée de dire non, moi je n'oublierai pas Allah et à ce messager-là, Muhammad, donc qui refuse l'islam. Fa inna Allah la yuhibbul kafirin, donc il sera parmi les mécréants. Et deuxième chose, Allah n'aime pas les mécréants. Allah, comme il est dit ici, Allah la yuhibbul kafirin. Fa Inna Allah la yuhibbul kafirin. Allah, alors certes, Allah n'aime pas les mécréants. Donc, si vraiment on aime Allah, il faut aimer ce que lui aime et détester ce qu'il déteste. Allah n'aime pas les mécréants, il déteste les mécréants. Donc, il faut ne pas aimer les mécréants, il faut détester les mécréants. Comment peux-tu prétendre l'amour de quelqu'un si tu aimes ceux qu'il déteste? Ensuite, nous allons maintenant dans Dalil al-Inqiyad, la preuve de Al-Inqiyad. Al-Inqiyad qui est, on peut traduire par l'obéissance ou l'obéissance parfaite. On peut dire aussi par le fait de se conformer, sa conformité, d'être conforme, Al-Inqiyad, d'être conforme à ce que Allah nous demande. Comme je vous l'avais dit avant, quand on avait vu les. On avait cité simplement les sept conditions de La ilaha illallah. Al-Inqiyad ici, comme le Cheikh Mohammed a dit, Al-Inqiyad ici, c'est être conforme, c'est l'obéissance par le corps, d'accord, pas par le cœur. C'est certes, il faut être obéissant par le cœur, comme on va voir, comme ça va entrer dans Al-Kaboul, qui va devenir après, mais là, le but voulu par Al-Inqiyad, c'est le corps. Sinon, s'il n'y a pas d'obéissance par le corps, s'il n'y a pas d'acte par le corps, la personne n'est pas musulmane, contrairement à ce que disent les Murji'a. Et nous allons parler un peu ici de ce problème qu'on trouve dans l'Aqida, dans le livre de l'Aqida et de l'Iman. On va commencer par la parole de l'imam Shafi'i, rahimahullah, qui est né en 150 de l'Égir. C'est aussi cette année-là qu'est mort l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, rappelez-vous. L'imam Abu Hanifa, rahimahullah, est mort en 150 de l'Égir, et c'est cette année-là qu'est né l'imam Shafi'i, rahimahumallah. L'imam Shafi'i, rahimahullah, est décédé en 204 de l'Hijr, ça veut dire qu'il a vécu 54 années lunaires, pas solaires, donc un petit peu moins que 54 années solaires. Il a vécu environ 50 années, ça tombe bien, c'est pas beaucoup, et pourtant il a laissé une science, vraiment, beaucoup de science, ne serait-ce que d'ailleurs, tellement il avait de science que son école, entre guillemets, son mazhab, sur ce quoi il avait. Il avait compris la loi, al-fiqh, la loi de l'islam, la sharia, est devenue ce qu'on appelle un mazhab parmi les mazahib, une école. Donc il a dit ceci. وَكَنَ الْإِجْمَاعُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَنْ أَدْرَكْنَاهُمْ. Donc l'ijma', le consensus, donc l'unanimité, donc il n'y avait pas de divergence. Mina Sahaba, parmi les Sahaba, les Tabi'in, ceux qui ont suivi les Sahaba, après eux, après les Sahaba, et Waman Adraknahum, et ceux que nous avons, nous, atteints, donc ceux qui sont venus après, Yakulun, ils disaient quoi? Donc il y avait unanimité sur ce qu'on appelle les Salaf, qui est la première, deuxième, troisième génération, unanimité, sans divergence, sauf peut-être parmi les gens de l'innovation, comme notamment les Murji'a. Yakulun, ils disaient quoi? Al-Imanu Qalun wa Amal. La foi, elle émane, c'est quoi? C'est une parole, une action, ou niya, une intention. D'accord? Donc là, niya, ça, on pourra dire, elle est irtiqad, alors qu'ida, la croyance. Kolun, c'est-à-dire par la langue, ramaloun par le cœur, et waniya par le cœur. Ramaloun par le corps, excusez-moi, entre le mot, en français corps et cœur, des fois je peux me tromper, je dis corps à la place de cœur et cœur à la place de corps, excusez-moi. Hein. Donc, kaulun, la parole par la langue, ou amaloun, l'acte par le corps, ou niya, et l'intention, donc la rakida, quoi, la croyance par le cœur. Ensuite, il a dit, l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, la yubzi wahidun min al-thalath ila bil-akh. Il n'y a pas un parmi ces trois-là, hein, illa bil, qui profite, qui suffit. Sauf par l'autre. D'accord? Ce qui veut dire que si un de ces trois n'est pas là, alors les deux autres ne suffisent pas. C'est-à-dire qu'il faut absolument les trois pour avoir Al-Iman. S'il n'y a pas ces trois-là, s'il n'en manque une, donc il n'y a pas Al-Iman. S'il n'y a pas Al-Iman, c'est le kufr. Donc s'il n'y a aucune action, si la personne dit par sa langue La ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, et que son cœur concrètement le dit, mais qu'il n'y a aucune action qui vient après, eh bien, cela n'est pas valable, il n'est pas musulman. Il est donc mécréant. Et ceci, c'est pour ce qu'on, la preuve de Al-Inqiyad, qui est la conformité, l'obéissance parfaite. Il faut absolument qu'il y ait des actions, qu'il y ait des actes. S'il n'y a aucun acte, la personne n'est pas musulmane. Et on va lire maintenant une parole du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, à la fin de son livre qui est Kashf al-Shubuhat, l'éclaircissement des ambiguïtés, qui est un très bon livre, un livre de Rudud, qui est un livre de réponse, d'accord, qui répond aux ambiguïtés qu'ont mis les ennemis de la dawa du cheikh Mohammed ibn Wahhab, rahimahullah, qui sont les ennemis du tawhid. Il a dit ceci: La khilaf, il n'y a pas de divergence. Anna tawhid, que le tawhid, que le monothéisme, c'est quoi? La bouddha an yakun bil kolb wal lisan wal amal. On ne peut échapper à ce qu'il soit par le cœur, la langue et l'acte. Ensuite, il a dit fa in ikhtalla shay'un min hadha, et si une chose manque de ceci, donc il y a une de ces trois choses qui manquent, lam yakun ar-rajulu muslima, alors l'homme n'est pas musulman. Voilà ce qu'il a dit, vous trouvez ceci à la fin de son livre Kashf al-Shubuhat. C'est clair et net. La personne qui vient et qui n'a pas d'acte, mais qui a la parole ou dans le cœur, ou seulement deux, ou une seule de ces trois conditions, il n'est pas musulman. Et c'est ça la croyance de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. C'est la croyance des salafs, contrairement aux murji'a, notamment aux murji'a de cette époque. Certains se disent salafis à cette époque, ils disent non, l'acte, comme on va voir, Inch'Allah, l'acte n'est pas une condition pour la validité de l'imam, de l'iman. Certains disent que c'est une condition, pas de validité, mais de perfection seulement. C'est-à-dire que l'acte est une validité de perfection. Mais sans elle, s'il y a la parole et le cœur, donc les deux conditions de validité sont présentes, ceci est un égarement. Mais ceux qui disent ceci, on ne fait pas le takfir sur eux, bien sûr. Ça, c'est autre chose. Quand le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, je vous dis que l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, faisait partie des Murji'a. Et c'est lui notamment qui a, de par lui surtout, que s'est répandu cet irja, et qu'on appelle irja ul fuqaha, l'irja des fuqaha, l'irja des savants du fiqh, parce que beaucoup de savants du fiqh sont tombés dans cette irja. D'ailleurs, pratiquement tous les savants du mazhab al-Hanafi sont murji'a, murji'a ul fuqaha. Ils ne rentrent pas la ramal dans l'iman, dans la foi. Et comme vous le trouvez dans le livre de Aqidah, de croyance, qui s'appelle Aqidah al-Tahawiyah, de l'imam al-Tahawi, qui était un Hanafi, et qui dit que, dès le début, que ce qu'il va dire, c'est la croyance de l'imam Abu Hanifa. D'accord? Et dedans, comme il le dit, que pour lui, la foi, l'iman, c'est seulement al-kol ou al-kol, ça vient seulement de la parole, ou al-i'tiqad, et la croyance. Donc, al-kol, c'est-à-dire qu'il faut le dire par la langue et il faut le croire par le cœur. Mais si la personne ne vient avec aucune action, la personne est toujours musulman. Et cela contredit l'ignominité de ce qui était avant eux. Voilà ce qu'on appelle al-irja al-fuqaha. Et certains parmi ceux qui se disent salifis à notre époque sont tombés aussi dans cette irja. Ensuite, moi, alors, je reviens. L'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui est décédé en 728 de l'Hégire, a dit dans son livre qui s'appelle Al-Aqidah Al-Wasitiyya, par rapport à une ville qui s'appelle Wasit, il a dit ceci: Wa min usul ahli sunnati wal jama'a, et parmi les bases, les fondements des gens de la sunna et du groupe, al-jama'a, donc là, ça veut dire notamment le groupe, c'est les jama'a et jama'a de sahaba, l'ensemble des sahaba, Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, anna ad-din wal-iman, que la religion et wal-iman et la foi, qawlun wa amal, est une parole, est un acte. Alors certains pourront dire comment ça? Là c'était que deux choses, qawlun wa amal, une parole et un acte. Certains pourront dire, mais où est la croyance dans le cœur? Il a oublié la croyance dans le cœur, ou il vient avec une nouvelle secte? Car certains disent, on dit ça, mais cela, le problème, c'est que ça fait rentrer les munafiqoun dans l'islam. D'accord? Parce que les munafiqoun, ils disent qu'ils sont musulmans, ils ont des actions de l'islam, mais dans leur cœur, ils sont mécréants. Mais il n'a pas voulu dire ça. Et l'imam Ibn Taymiyyah, juste après, il va définir ce qu'elle veut dire quoi, le nom amal, et cette définition de l'iman est la meilleure définition qui soit. Et vous allez comprendre pourquoi. Dire que l'iman, c'est un kol ou amal, on sautait ici, tac, c'est une parole à un acte est meilleur que de dire c'est un ou i'tiqad bil qalb wa qalb bil lisan wa al amal bil arkan. C'est mieux que de dire ces trois choses. C'est que l'iman, le fait de dire que l'iman, la foi, c'est une croyance du cœur, une parole de la langue et un acte des membres, du manque du corps, non, C'est mieux de dire l'iman, c'est un qawl ou amal, c'est une parole, un acte. Pourquoi? Parce que ça vient, l'imam Ibn Taymiyyah rahma va le dire ici. Et après, je vais vous le faire ressortir. Qawl ou qalb, la parole du cœur, wal lisan, et de la langue. Eh oui, car il y a la parole du cœur et de la langue. La parole du cœur, c'est al-i'tiqad, c'est la croyance. Et la parole de la langue, c'est le fait d'attester qu'il n'y a pas de divinité par droit sauf Allah et que Muhammad est son messager. Ensuite, il dit wa 'amalul qalb wal lisan wal jawarih, et l'action du cœur et de la langue et des membres du corps. Et oui, car le cœur a des actions, n'a pas seulement qu'une parole. L'action du cœur, par exemple, c'est l'amour. L'amour d'Allah, ça c'est une action du cœur. La tawakkul, se remettre en Allah, ça c'est une action du cœur. La peur d'Allah, azawajal, c'est une action du cœur. D'accord? Donc, il y a la kolb, la parole du cœur, c'est la croyance, c'est l'irtiqad. Et l'action du cœur, c'est beaucoup de choses. C'est notamment les choses que j'ai citées. Et ensuite, excusez-moi, amalul kolb wal lisan, et l'action de la langue. Certains diraient, comment ça? La langue est une action? Eh oui! Sachez que quand vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal à quelqu'un, vous faites une action. Et cette action, eh bien, elle vient par la langue. Donc la langue est une action. Et ensuite, elle dit, Amalou, bien sûr, Al-Jawari, et l'action des membres. Eh bien, c'est par exemple comme faire la prière, jeûner le mois de Ramadan, faire le Hajj, etc. Et donc voilà, vous comprenez maintenant pourquoi il est mieux de dire que Al-Iman, la foi, c'est Qawl ou Amal. C'est une parole et un acte. D'accord? Mais pourquoi? Parce que si vous dites Al-Iman, c'est Al-Irtiqad bil Qalb, c'est la croyance du cœur. Et ensuite, la deuxième chose, vous dites Al-Qawl bil Lisan, la parole de la langue. Et la troisième chose, vous dites Wal-Amal bil Arkan, et l'action des membres. Et bien moi, je vous dis, mais où avez-vous mis l'acte du cœur? Dans votre parole, on ne peut pas faire entrer l'acte du cœur. Parce que vous dites Al-Irtiqad, Al-Irtiqad, c'est une chose, c'est Qawl ou Qalb, c'est la parole du cœur. Mais où est l'acte du cœur? Vous l'avez enlevé. Vous avez voulu, comment dirais-je, plus diversifier la parole, mais en fin de compte, vous avez enlevé certaines choses. Alors quand on dit qol ou amal, la parole et l'action, et qu'après, comme le cheikh Mislim Rahimahullah le dit, qol ou kolb ou al-lisan, ou amal ou kolb ou al-lisan ou al-jawarih, et bien ceci est parfait, ça englobe tout. Toute parole, parce que la parole vient soit du cœur ou de la langue, et l'action vient du cœur, de la langue, et des membres. Voilà. Ensuite, le cheikh de l'islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit « Wa anna l'iman » et la foi « Yazidu bit-ta'a wa yankusu bil-marsiya » elle augmente avec l'obéissance et elle diminue avec la désobéissance. Fin de citation de son livre. Alors, « Qid al-wasatiya » Donc, certains qui se demandent « Oh, j'ai pas de foi en ce moment, etc. » Donc, on lui dit « Tu as dû faire des péchés, tu es en train de faire des péchés, regarde, repens-toi. » Et fais et obéis à Allah Azzawajal, la foi reviendra. Car la foi augmente avec l'obéissance et diminue avec la désobéissance en Allah. Où on dit aussi que la foi désobéit, diminue avec l'obéissance au shaytan. En obéissant au shaytan, la foi diminue. Maintenant, Inch'Allah, nous allons lire un verset dans Surat An-Nur, Surat La Lumière, au verset 54. Allah Azzawajal nous dit « Qul ati'u Allah wa ati'u Rasul » Dis. Donc Allah Azzawajal interprète son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit « Dis, obéissez à Allah et obéissez au messager. »« Ati'u Allah wa ati'u Rasul »« Fa'in tawallaw » Et si vous vous détournez, « Fa'innama alayhi ma hummila wa alaykum ma hummiltum » Alors, il n'y a que sur lui ce qu'on a chargé, et c'est-à-dire ce qu'on a chargé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avant tout, c'est de... C'est ce qu'on appelle al-balar, al-tablir, c'est de diffuser le message qu'Allah lui a confié. Et à vous, ce qu'on vous a chargé. Et ensuite, il y a Allah dit ceci, et c'est une parole qu'il faut bien comprendre. Wa in tuti'uhu tahtadu. Wa in, et si, tuti'uhu, et si vous lui obéissez à lui, et au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faut suivre la sunnah. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la conséquence? Tadou, vous serez bien guidé. Al-hidayah, al-huda, la guider. Tahtadou, du verbe ihtada, yahtadi. Et là aussi, tahtadou, il est majzoum. Pourquoi? Parce que juste avant, il est majzoum. Pourquoi? Parce qu'il est dans la réponse de la condition. In, si vous faites ceci, alors il y a sera. Si donc, wa in todi'uhu, et si vous lui obéissez à lui, donc au messager, qu'est-ce qui se passera? Tahtadou, vous serez bien guidé. Donc celui qui veut être guidé, celui qui veut ressentir al-huda, la guider, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Eh bien, il faut qu'il obéisse hu. À lui, au prophète, il faut suivre la sunna. Et c'est en suivant la sunna qu'on obéit au prophète, le bienfait de la sunna. La huda, la guidée vient en suivant la sunna du prophète. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit « وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ » Et il n'y a rien sur le messager, sauf de transmettre une transmission claire. Et nous attestons que le prophète a transmis une transmission qui est claire. Nous arrêtons ici pour ce cours et nous reprendrons la prochaine fois Inch'Allah, et justement nous allons parler des Murji'a, de cette fameuse secte Al-Murji'a, et notamment des Murji'a de cette époque, et ceux parmi même des gens de Al-Sunna al-Jama'a, des gens de la Sunna qui sont tombés dans cette irja. Sachez qu'il y a beaucoup de fuqaha, comme je vous dis, beaucoup de fuqaha qui sont tombés dans cette irja, comme l'imam al-Nawawi ou autre. D'accord? Et pourtant, on ne dit pas que ce sont des mubtadi'a. Sauf ceux que, bien sûr, qui exagèrent jusqu'à aller plaire aux rois et autres gouverneurs qui sont des mécréants. Mais ceci est un autre sujet. Subhanakallahumma wa bihamdik. La ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilayh.